sais pas pourquoi, tous ces jours qui passent, certains d'entre eux laissent une trace amère. What a one program, program. Je sais pas comment faire autrement que de subir en silence et même en colère. Je chante, je chante, oh Lord, je chante le reggae music. Et puis je danse, et je danse, oh Lord, je danse le reggae music. C'est pas pourquoi, de tous ces jours qui passent, certains d'entre eux laissent une trace. Je sais pas comment faire autrement que de subir en silence et même en colère. Je positive, je récidive, je positive encore et encore. C'est que j'ai pas tort. Non, non, non, non, non, non, non, non. J'suis positif, j'suis récidif, j'suis positif encore et encore. Je sais que j'ai pas tort. Non, non, non. Je danse, reggae music.